sig på sikon. De la vie tout au fond. Il y a toujours la solution. D'un coup de talon au fond, l'eau est seulement plus sombre. Plus glacial, il n'y a plus d'ombre. C'est normal, puisqu'on est au fond, du plus profond au fond. Comme disons Lord Byron, malheureux sans un rond. Aucune espèce de raison pour faire le grand bond. Si con de toujours nager en rond. Ça dit pas de vacherie les poissons, et parfois c'est bon. Toujours la solution d'ouvrir la